Bonjour à tous et bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le jeudi 15 juillet 2010 et c'est l'épisode numéro 13. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode des Projets du Web. Je suis très heureux d'être enfin de retour derrière le micro après 4 mois d'absence. C'est bien Mathieu qui vous parle et aujourd'hui nous allons commencer notre nouvelle formule de podcast puisque nous allons essayer de réaliser au maximum dans le futur les émissions tous les trois, c'est-à-dire moi-même, William et Lucas. Donc déjà bonjour à vous deux. Salut. Donc merci encore d'avoir tenu le podcast pendant ces 4 mois d'absence parce que vous avez été vraiment efficaces. Donc merci encore, j'espère que vous êtes en pleine forme pour reprendre cette nouvelle formule. Complètement. Bon, bah, très bien. Donc sans plus tarder, on va entrer dans la première section de notre émission, c'est la section projet. Alors Will, je te laisse commencer, c'est le premier projet que tu voulais nous présenter, donc je te laisse l'entamer. Ce projet, donc, c'est Capitaine Train, donc c'est un petit projet qui a été lancé à cause de la SNCF qui n'était pas assez performant sur leur site internet pour la réservation en ligne. Donc c'est des personnes qui ont décidé de faire quelque chose de plus simple, qui n'a pas de pub, plus efficace, et voilà, qui est beaucoup plus fiable. Que c'est vraiment pour la simplicité et la rapidité de la réservation. Enfin, moi, ce que j'ai pu tester, il y a une vidéo de présentation sur le site qui est encore en bêta, j'ai l'impression. Et donc oui, c'est vraiment pour la simplicité et la rapidité qu'il et évidemment aussi le fait qu'il n'y ait plus de publicité. Donc là, ils misent sur tout ça et ils misent surtout sur l'aspect vraiment négatif du site SNCF qui est vraiment un des sites les plus mauvais pour la réservation. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc voilà, ils misent là-dessus. Simplicité, rapidité. Donc allez le tester. Vous pouvez entrer votre adresse email pour recevoir une invitation. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sympa et ça permet de voir autre chose que le site SNCF qui est tout le temps en maintenance. Donc voilà. T'as d'autres choses à rajouter, Will ? Non, c'est ok pour ce service-là. Donc, je vais enchaîner avec Google Me. Alors, c'est un des futurs services de Google qui a pour but de s'attaquer à un nouveau marché sur Internet, donc celui des réseaux sociaux, parce qu'ils sont pas vraiment encore présents sur ce marché. Donc, pour le moment, c'est qu'à l'état de projet, et on a absolument aucune information technique sur le service. Par contre, on est sûr que Google travaille dessus, et que ça fait un bon bout de temps même qu'ils travaillent dessus. Adam D'Angelo, le fondateur de Quora et ancien directeur technique de Facebook, a dit « Ce n'est pas une rumeur, c'est un projet réel, de nombreuses personnes travaillent dessus. Je suis pleinement confiant à ce sujet, donc là on est persuadé que ce projet existe. Donc je vais pas vous parler du service en tant que tel, puisqu'on n'a absolument aucune information dessus, et je souhaite pas tomber dans les suppositions qui grouillent partout sur le web alors qu'on n'en sait rien. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on se pose la question, est-ce que Google est capable de proposer des services dans le domaine du social ? Parce que si on fait un bref retour en arrière, on peut découvrir que y a un certain nombre de flops à la sortie de Google Labs, pour ce qui est notamment de Google Wave et Google Buzz, qui ont été respectivement, qui ont tenté de concurrencer l'email et le microblogging tels que Twitter pour Google Buzz. Donc la véritable question, c'est est-ce que Google Me rejoindra la lignée des excellents services de Google, comme Gmail ou Google Maps ? Ou suivra-t-il la même voie que ses prédécesseurs dans le domaine du social ? Donc encore une fois, Adam D'Angelo a dit que Google a réalisé que Buzz n'était pas suffisant et qu'ils avaient besoin de construire un réseau social de première classe, complet sur le modèle de Facebook. Contrairement aux tentatives précédentes, c'est un projet hautement prioritaire pour Google. Donc on peut espérer que Google Me connaîtra le même succès que Gmail et évitera de prendre la même voie que Google Knoll. C'est un service que, en fait, j'avais jamais entendu parler avant de travailler sur cette news. Et donc apparemment, Google Knoll, c'est un service que Google a mis en place il y a, je crois, un an et qui est passé complètement à la trappe dès sa sortie. Donc voilà, je ne sais pas si William ou Lucas, vous avez quelque chose à dire sur Google Me ou les services autour du social faits par Google. Et si vous pensez je vais commencer un petit peu avant Lucas, je vais prendre ta parole. Je suis assez d'accord sur toi avec Buzz. C'est-à-dire qu'en fait, Buzz, ils sont un petit peu contentés, tu sais, de recopier Twitter en ajoutant quelques fonctionnalités, mais il n'y avait pas d'intérêt. On était tous sur Twitter. Pourquoi partir sur Buzz pour avoir la même chose? Ils ont essayé de l'intégrer à travers Gmail pour justement gagner juste la rapidité, peut-être, le fait que tout soit centralisé sur un même service, mais bon, apparemment, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Par contre, au niveau de Wave, c'est vrai qu'on en parlait avec Lucas tout à l'heure, on n'est pas tout à fait sur le même registre. C'est pas tout à fait comme Twitter ou Facebook, social dans ce sens-là, mais c'est plus collaboratif, et là, c'est vraiment un super outil au niveau de la collaboration. Genre, pour préparer des projets, notamment au podcast, pour mettre des sujets, des annotations, parfois même des petites discussions. C'est vraiment pour éditer en même temps un document Wave est en tout cas très très bien dans ce domaine-là particulièrement. Alors ça, je pense que nous trois, on va être d'accord sur le fait que Wave nous est vraiment indispensable. Mais malgré tout, quand on regarde les stats, depuis que ça s'est ouvert au public, ça n'a pas du tout fait l'effet attendu par Google en tout cas. C'est vrai que pour le grand public, c'est compliqué parce que ça peut pas remplacer vraiment la simplicité du mail. Les gens ne savent pas en fait à quoi ça sert. Voilà, c'est ça le problème. C'est ce qu'on voit, hein, au début, tout le monde voulait les invites et compagnie. Et bon, au fur et à mesure, tout le monde disait, oh, mais en fait, à quoi ça sert? Donc, les gens, ils ont pas trouvé l'intérêt, ils sont pas revenus dessus. Nous, on a trouvé l'intérêt. C'est aussi rester dans un... Nickel. C'est aussi rester dans un milieu un peu geek et personnes qui s'y connaissent, quoi. Voilà, le grand public n'a pas du tout accroché, je pense. Ou du moins, n'en ont même pas entendu parler, en fait. Non, je pense pas. Donc, j'espère que Google Me, arrivera à faire suffisamment de pub pour pouvoir concurrencer Facebook, parce que quand on connaît en plus la philosophie de Google sur justement la gestion des données et tout ça par rapport à Facebook, ça pourrait être intéressant d'avoir enfin une alternative à Facebook quand même. Mais c'est peut-être un peu bizarre aussi d'avoir comme alternative à la vie privée de Facebook, Google à côté. C'est peut-être un peu, tu sais, ça sera peut-être un peu trop. Déjà Google, comme on l'avait dit dans nos épisodes il y a très longtemps, connaissent énormément de choses sur nous. Là, je crois que ça va être le paroxysme de leur connaître. Ils vont tout savoir, mais vraiment tout. Donc bon. Mais en alternative, En alternative à Facebook, il y a un groupe de Français qui sont en train de monter un site. Justement, ils ont besoin de fonds. Je sais plus c'est quoi le site. Pas des auras, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça, je sais plus exactement on mettra les liens dans les notes de l'émission. Voilà, qui cherche à avoir justement une alternative à Facebook avec tous les mauvais côtés de Facebook qui partent, tout pour la protection des données, données de vie privée et tout. Ce qu'on n'aura pas avec Google Me, si ça se fait, je pense. Oui, leur concept était d'avoir les données en fait sur son ordinateur et elles sont accessibles quand on est connecté. Donc voilà, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que voilà, quand on n'est pas sur son PC, on peut pas avoir des gens qui viennent voir nos photos et voilà, on est maître de nos données. C'était ça l'idée en fait du projet. C'est Diaspora le nom, il me semble. Diaspora, voilà, c'est ça. Ok. Bon, donc voilà, et vous, si vous deviez dire Google Me, oui, non, ça va se foirer, ça va réussir, vous diriez quoi? Je pense que j'ai peur de l'interface avec Google. J'adore les produits Google, mais l'interface, pour le grand public, c'est pas toujours ce que Google fait de mieux. Et j'ai un petit peu peur de ce domaine-là. Ok. Et Lucas? Moi, je sais pas si je m'en servirais parce que les services Google, je m'en sers plus pour les trucs, disons, un peu plus moins publics. Par exemple, Facebook, où je mets un peu vraiment tout, Twitter et tout. Et sur mon côté Google, j'essaye de rester plus clean. Donc, je pense pas que je m'en servirais. Buzz, j'avais même pas essayé parce que ça m'intéressait pas du tout, justement, d'avoir un réseau social par Google. Et après, comme disait Will, là, pour l'interface, le problème, c'est que leurs interfaces, elles sont quand même simples, mais elles sont pas super belles. Donc, c'est quoi avec Wave, ils sont améliorés, c'est un peu plus joli, mais bon, c'est pas toujours ça pour le grand public. C'est clair. Par rapport à un Facebook. Ok. Bon, je pense que c'est tout pour Google Meet. De manière, on vous tiendra au courant de l'avancement du projet, parce que là, vraiment, c'est à l'état, genre, on ne connaît absolument rien. On sait qu'ils travaillent juste le nom. Ouais, voilà, Google Me. Et je pense qu'encore ça peut changer, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Ouais, je pense aussi. Mais donc voilà, on vous tiendra au courant de l'avancement de ce projet. Lucas, je te laisse la parole pour le dernier projet de cette émission, je crois. Ok. Donc c'est paboum.com. PABOUM. En fait, c'est un site qui propose de vendre des biens et des services pour 5 euros. En fait, c'est un dérivé d'un site qui existait déjà aux USA depuis quelques temps, qui s'appelait Fiverr, qui est encore à l'état de bêta. Et en fait, lui proposait, en gros, la leitmotiv, c'était « qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour 5 dollars ?» Et donc là, en fait, ce site est un dérivé. C'est le même principe, sauf que c'est une vente de biens et de services, comme j'ai déjà dit. Et toujours pour 5 euros, le prix est fixé. Donc, par exemple, dans les ventes de biens, on va avoir des t-shirts, des bagues, plein de petits trucs comme ça. Et dans les services, là, il y en a juste 3. Un qui propose une modification de t-shirt, modification de photo et une carte postale. Donc, pour l'instant, le site, en fait, il est assez récent. Il est encore à l'état de bêta. Il n'y a pas grand monde dessus. Pour l'instant, il y a juste 2-3 pages de vente. Et donc, après, n'importe qui peut vendre ou proposer un service de 5 euros. Mais pour ça, en fait, il y a deux offres pour pouvoir s'inscrire sur le site. En fait, il y a une offre standard et une offre premium. Et avec l'offre premium, il y a plusieurs options qui sont offertes, mais il faut payer 5 euros par mois, donc encore les 5 euros. Et l'offre standard qui permet juste de vendre un bien, par contre. Mm-hmm. C'est limité. D'accord. Donc oui, juste pour rappel, Fiverr, on en avait parlé dans l'épisode 7 qui s'appelait YouTube se met au disco, et je crois que c'est William, tu en avais parlé à cette époque-là. Donc c'est les mêmes créateurs, enfin le même, le créateur du site Fiverr a créé. Non, c'est pas la même personne, c'est le même style. Le même concept, c'est d'accord. Le même style, c'est quelqu'un qui en France qui a dit ah tiens c'est une bonne idée, l'autre il est bloqué aux US, bon ben je le fais pour moi. Ok. Bon ben c'est tout pour Paboum pour ma part. Et on enchaîne avec la section Actu et Tips. Pour la partie exécutive, je vais commencer avec YouTube soutient le Flash. Donc c'est John Harding, ingénieur logiciel chez Google, qui a annoncé sur le blog officiel de YouTube que le HTML5 ne remplit pas encore toutes leurs exigences. Alors ouais, le HTML5 propose pas encore pour eux toutes les possibilités disponibles sur Flash. Donc par exemple sur le format vidéo, parce que comme on sait, pour HTML5 le format est toujours pas défini. Alors que sur Flash, oui, c'est pour l'instant c'est codé H264, prochainement VP8. Ensuite, Flash permet la lecture avec les protocoles HTTP et RTMP, et aussi d'autres protocoles qui permettent en fait d'empêcher la copie de la vidéo, alors que le HTML5 en fait a aucune protection contre la copie de copyright. Donc par exemple, comme les photos qu'on a sur Internet, on fait un clic droit, on peut tout de suite les récupérer. Et une vidéo en Flash, en fait, il faut toujours passer par un module ou quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. À côté de ça, dans le Flash aussi, il y a la possibilité d'ajouter des annotations, comme on voit beaucoup sur les vidéos YouTube, d'ailleurs. Et la HD qui est bien plus performante sur Flash. Et dernier point positif, en fait, pour Flash, pour eux, c'est qu'il permet de converser, en fait, avec le micro et la webcam directement. Par exemple, comme on avait vu sur Chatroulette. En exemple, ça c'est des trucs qui sont pas possibles en fait avec HTML5 pour le moment. Donc c'est pour ça que Google dit soutenir encore le Flash pour un bon moment. Ouais, donc je vais j'enchaîne directement après toi parce que je voulais réagir mais sans trop te couper. En fait, on va pouvoir résumer Flash, tu sais, par un espèce de cocon, c'est-à-dire que on a notre plugin Flash avec la vidéo dedans et elle est un petit peu enfermée. Donc avec ensuite on peut mettre des codecs, les sous-titres, etc. Et c'est assez fermé. Donc ça a des avantages et des inconvénients évidemment, mais l'avantage principalement c'est que les contenus où on veut du copyright, comme tu le disais, ils ont le mérite d'être un petit peu protégés. Bon, on a trouvé des moyens pour passer à côté, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, donc la vidéo par exemple est protégée, on peut incorporer des publicités, enfin c'est beaucoup plus flexible, et la technologie a quand même, alors je dis pas de bêtises, doit avoir près de 4-5 ans, donc elle a eu le temps de mûrir. Le problème du HTML5 c'est que c'est très récent. et c'est censé être un standard du web. Et les standards du web, on sait que ça va évoluer très lentement. Tu disais le micro, par exemple, pour interagir avec le matériel. La W3B, je crois que c'est ça le nom de l'organisation qui gère les standards du web. W3C, est en train d'y réfléchir. Voilà, donc on sent déjà que ça met énormément de temps à se mettre en place. Il faut espérer que ça vienne plus vite et que peut-être des entreprises comme Google poussent tout ce qui est codec, etc. Et peut-être qu'on arrivera à avoir un HTML5 plus rapidement, parce que le mois de l'HTML5, je le vois surtout pour les mobiles ou tous les trucs qui consomment peu d'énergie et qui ont très peu de puissance. Parce que sur les téléphones Android, on voit que même les plus puissants galèrent avec Flash. Voilà. Mm-hmm. Ok. Bon, moi, je parlerai pas trop de Flash ou HTML5 parce que c'est pas mon rayon. vous avez fini avec ça? Oui, je pense que c'est bon. Ouais. Ça fait déjà un gros sujet. Ok. Bon, alors je vais. Moi, en fait, je vais vous parler. C'est plus un tips qu'une actu. En vérité, c'est. En fait, je vais vous parler des services qui sont pas spécialement récents, mais qui par contre sont étrangement peu connus et assez importants quand on est présent sur le web. Alors, je sais que vous en aviez parlé, Lucas et William, dans l'épisode précédent, mais je pense que quelques précisions sont importantes. Donc, je vais commencer déjà par une petite définition. Tout droit tiré de Wikipédia pour expliquer à certains ce qu'est le monitoring. Donc le monitoring, vous en aviez parlé pour deux projets la semaine dernière. C'est en fait le monitoring, c'est une activité de surveillance et de mesure d'une activité humaine, économique ou électrique. Ça c'est selon Wikipédia. Et donc en informatique, le monitoring désigne la mesure et parfois les systèmes ou appareils de mesure électroniques ou électriques. Donc pour faire simple, en fait le monitoring c'est un système de surveillance. Et sur le web, c'est très simple, ça consiste simplement à fournir quelques termes ou mots-clés que vous souhaitez suivre vous l'ajoutez sur le site de monitoring et ensuite le site fouille le web constamment en temps réel et vous alerte en cas de nouvelles mentions de vos termes sur le web. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement deux nouveaux sites de monitoring en plus de ceux de l'épisode précédent, chacun plus ou moins axé sur différents moteurs de recherche ou réseaux sociaux. Donc le premier, c'est Twitter Search, qui est en réalité le moteur de recherche de la base de données Twitter, qui permet donc un monitoring en temps réel de l'activité sur Twitter, une recherche par langue qui est plutôt intéressante, donc suivant la langue du tweet, dans quelle langue il a été écrit, et la récupération du flux de sa recherche en un flux RSS en fait. Donc on peut l'ajouter à n'importe quel agrégateur de flux. Le second service, c'est Google Alert, qui permet de surveiller le web via les ajouts de pages sur le moteur de recherche Google, en étant averti par mail en fait. Donc l'aspect positif de cette possibilité, c'est de paramétrer, enfin de ce service, c'est de paramétrer les critères de recherche tels que le type de recherche, donc actualité, blog, discussion, la fréquence d'envoi des emails et le nombre de news à envoyer. Donc il est assez paramétrable, plus que Twitter Search. Et donc voilà, c'est deux services très sympas qui sont axés chacun sur donc soit Twitter, soit Google. Et ça permet de faire un monitoring plutôt complet et d'être alerté assez souvent. Donc je sais pas si William ou Lucas, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, ou faire un retour sur les sujets de la... Non, pas pour ma part. Donc, ou peut-être un retour sur les sujets de la... Parce qu'il y avait eu des commentaires en fait sur les projets que vous aviez présentés la semaine dernière. Ouais, il y avait Sledge qui avait parlé de Comments, mais ça avait rien à voir avec le monitoring, il me semble. D'accord. Okay. C'est pas tout à fait le même truc. Par contre, pour Search Twitter, en fait, c'est bloqué que à Twitter. Mmh. Mais en fait, donc l'avantage avec les sites qu'on avait présentés la semaine dernière, finalement, c'est que ça va chercher sur Twitter et sur d'autres trucs aussi en même temps. Ouais, c'est. Oui, mais la différence, c'est que avec ça, on peut, donc il y a l'aspect temps réel qui n'est pas forcément possible quand c'est un monitoring externe. Ouais. Là, c'est directement sur la base de données Twitter par Twitter, donc c'est assez rapide, même, enfin c'est en temps réel, donc comme Twitter. Et Google, pareil, ils ont un accès à leur propre base de données qui est plus rapide et plus important, et donc moins d'erreurs dans la recherche et tout ça. C'est pour ça qu'en fait ils sont plus spécialisés, donc plus fermés mais plus puissants. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Donc Will, je te laisse pour le dernier ActuTips de cet épisode. Donc c'est l'arrivée de Spotify sur Linux. Alors Spotify, on en parle presque à tous les épisodes. C'est un service donc de streaming. Je vais pas rappeler ce que c'est. C'est en détail. Donc c'est juste un streaming audio. Et le client était disponible sur Windows et macOS. Et il arrive désormais sous Linux. Alors pas tout à fait la version complète. Ils ont eu des petits soucis à implémenter tout ce qui était publicité. Donc du coup, ils ne le proposent qu'à ceux qui ont un compte premium pour l'instant. Mais la version définitive pour tout le monde arrivera très bientôt. Et donc ça, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, parce que bah moi, Lucas aussi, peut-être que Lucas pourra l'utiliser du coup sur son netbook, on utilise un petit peu Linux, enfin même moi beaucoup, et c'est vrai que ça me manquait de devoir utiliser des émulateurs ou des choses comme ça. Là j'aurais le client natif, comme si j'étais sous Windows, et c'est une très très bonne nouvelle. Et maintenant la section bonus. Donc dans les bonus, on aimerait parler un petit peu de Preview IT, donc on vous mettra le nom exact dans les notes de l'émission. C'est un petit outil qui va permettre de partager des vidéos, des images, ou des créations avec d'autres personnes. Donc c'est surtout pour les designers. Alors j'ai trouvé l'idée super intéressante, mais j'ai été un petit peu déçu dans les fonctionnalités disponibles, tout simplement. J'ai fait une petite image. Alors je sais pas si vous l'avez vu, celle avec des zombies dessus là. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site, Lucas et Mathieu, après si, moi. Moi, je crois que je l'ai vu. Et donc du coup j'ai mis des annotations pour expliquer des éléments, etc. Et c'est un petit peu dommage parce que justement quand on arrive sur l'image, en fait on voit des gros carrés partout là où j'ai mis mes annotations. J'aurais aimé des choses un peu plus discrètes comme dans les tableurs où on a des apparitions. Ouais, voilà des choses comme ça. Parce que là du coup c'est vrai qu'on voit un peu moins la création que j'avais faite au départ. Voilà, donc c'est plein de petits détails comme ça qui sont un petit peu dommage et j'aurais aimé peut-être plus de possibilités, mais sinon c'est un service assez sympa. Et donc Mathieu, tu as des clés bêta à nous faire gagner. Oui, voilà, parce que donc du coup le service est encore en bêta actuellement, donc Preview IT, et il s'avère que j'ai réussi à avoir donc 5 clés bêta. Je crois que c'est 5. Et du coup, ben on vous propose. En fait, ça, je pense que ça va être très simple. C'est les 5 premiers qui commentent sur le blog, qui commentent sérieusement, qui ont quelque chose à dire, quoi. Pourront gagner une clé bêta et pourront tester par eux-mêmes en fait donc ce service. Il y a rien de mieux que tester par soi-même. Donc voilà, vous commentez, même si vous nous dites je vous aime, je pense que ça suffit. Et donc voilà, oui. vous pouvez directement dès que l'émission sera sur le blog commenter et on verra on vous enverra les clés bêta en fonction. Donc voilà. Donc à vos claviers, allez tous commenter sur le blog. Donc Lucas, tu avais une petite news à dire en bonus encore. Ouais, mais par rapport au podcast justement, donc normalement vers la rentrée, on devrait sûrement faire des émissions en live pour le podcast pour gagner justement un petit peu en dynamisme et tout pour partager un petit peu plus. Donc profitez justement aussi des commentaires, dire si ça vous intéresse. Vous voyez, voilà. Justement, je voulais savoir en même temps, parce que donc on va commencer à préparer avant un peu à savoir le système de live, et si la vidéo serait intéressante pendant les lives, et si c'était plutôt une vidéo, par exemple, du site sur lequel on parle en direct, ou expliquez-nous un peu ce qui vous intéresserait pour consommer votre podcast encore mieux. Et donc voilà, nous on sera là pour essayer de faire au mieux en suivant vos commentaires. Donc voilà. Donc c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Une petite dernière chose que je vous rappelle comme à chaque fois, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site donc au www.lesprojetsduweb.fr ou sur iTunes, mais aussi si vous voulez intervenir lors des émissions, faites-nous parvenir vos commentaires audio via le répondeur téléphonique donc au 01 77 45 50 96. Donc c'est gratuit depuis une box, enfin une Linkfix box, ou sur le compte Skype, les projets du web. On va rappeler nos comptes Twitter. Donc moi c'est @MADTOURNESAC. William, je te laisse dire le tien. D'accord. C'est Kamphis, KHAMPHIS. Et Lucas ? Moi c'est Louis, LOUCKOU2SE. Voilà, donc on se retrouve normalement dans 15 jours pour l'épisode numéro 14. Donc salut Will, salut Lucas, salut à tous, et surtout profitez bien de vos vacances. Salut à tous. Ciao. Salut à tous.